Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce podcast numéro 80 de Furia Liga. Demain, on repart pour une 64e édition de la plus grande des coupes d'Europe, celle qu'on appelle Ligue des Champions depuis 1992, comme vous préférez. Pour les clubs espagnols, ça démarre très fort, puisque Valence se déplacera à Londres pour y jouer Chelsea demain, et dans le même temps, le Barça ira dans le nord de l'Allemagne y affronter le Borussia Dortmund. Mercredi, ce sera au tour de l'Atlético de débuter son épopée européenne en recevant la Juventus de Cristiano Ronaldo, et le Real, lui, jouera à Paris mercredi soir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de passer le bonsoir à Soledad Arque-Vasquez. Bonsoir Solé. Bonsoir Elias. Est-ce que tes pensées sont occupées par le retour imminent de Léo Messi? Très occupée d'ailleurs et très impatiente de m'occuper. Très bien. Et bonsoir également à Miguel Hernandez. Salut Miguel. Salut à tous. Et je présume que tes pensées sont un peu occupées par l'Assemblée des sociaux. Ce qui a eu lieu hier du côté du Real Madrid, qui était une nouvelle fois particulière, on va dire. Oui, on va dire ça. En parlant du Real Madrid, le Real Madrid jouera à Paris mercredi. C'est par là qu'on va commencer, parce que c'est le match avec le plus d'étoiles, le plus d'excitation en nous. Et il y aura beaucoup d'absents pour ce match. Mbappé est absent, Neymar, Cavani, Draxler et Dagba également. Et côté madrilène, Marcelo, Isco, Modric sont absents, de même que Valverde et Ramos, Nacho, eux sont suspendus et seront donc également absents de la pelouse du Parc des Princes. Le Real Madrid, il arrive avec un état de forme, on va dire, moyen. Il a bien commencé ce week-end avant de se faire peur. Et le constat qu'on fait, en tout cas, c'est qu'il y a un cruel besoin de la venue d'Eden Hazard dans le 11 titulaire, n'est-ce pas Miguel? Oui, effectivement, l'équipe a cruellement besoin d'Hazard, même si effectivement, comme tu l'as dit, la première mi-temps, elle a été bonne face à l'Avante. On a vu plein de bonnes choses. On a vu en fait le Real qu'on aimerait voir chaque week-end, c'est-à-dire un Real qui a joué concentré, qui a mis de l'intensité, qui a pressé haut et assez intelligemment, même si c'était évidemment pas parfait. Mais voilà, c'est ce Real-là qu'on aimerait voir. Et si en plus on rajoute la magie d'Eden Hazard à ça, ça peut faire assez mal. Ouais. Et plus... Pardon, vas-y Soleil, vas-y. Justement, je voulais rajouter un point sur Hazard et un point qui est essentiel, et quel que soit le contexte, c'est que c'est le seul actuellement qui est capable de contourner et d'éliminer quels que soient les rivaux qu'il y a en face. Et c'est sur son instinct que va capitaliser quand même le Real et qui va faire la différence dans les prochaines rencontres, je pense. Oui, c'est ça, le Real Madrid sort de plusieurs matchs et même de plusieurs mois où il y a eu des choses très très structurées qui ont été mises en place. On peine à sortir de cette structure-là. On n'a pas de joueur vraiment capable d'improviser. Vinicius avait eu cette tâche durant les premiers mois de l'année passée, mais ce n'est plus le cas maintenant. Une fois, c'est son déficit technique qui refait surface. Et Hazard, lui, comme tu as dit Solé, indépendamment du contexte, s'il peut jouer son jeu, s'il y a une défense regroupée en face, s'il peut éliminer, ça ne va pas être un problème pour lui. S'il y a de l'espace, il est encore meilleur. Et le Real Madrid a besoin d'Hazard parce qu'il faut quelque chose de nouveau dans ce 11 et il faut surtout un joueur auquel s'accrocher, auquel s'affairer. Combien de fois l'année passée on a vu un Chelsea en perdition, mais un Eden Hazard qui pouvait tirer l'équipe vers le haut, qui même quand le score était en défaveur de son équipe, il prenait le ballon et c'est comme s'il y avait 0-0, c'est comme s'il était en train de gagner, il se sentait le meilleur joueur du monde. Et le Real Madrid a besoin de ça maintenant, a besoin d'un leader technique, mais aussi d'un leader, on va dire, un peu plus... Un leader, quelqu'un qui a la foi et qui peut jouer son football, qu'importe les circonstances. Et vraiment, le Real Madrid aura besoin d'Eden Hazard plus que jamais, et ça tombe bien parce que le PSG, vraiment, c'est le baptême du feu pour Eden Hazard. D'autant plus que la défense du Real Madrid est catastrophique ces temps. Il y a des gros problèmes, surtout du côté de Ramos et Carvajal. Et si la défense est catastrophique, l'attaque, elle va devoir au moins compenser quelque chose. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que cette défense, elle a autant de peine? C'est une question qu'on a eue sur Twitter également. C'est Zaid Farghouch qui nous l'a posée. Pourquoi le Real Madrid est en difficulté défensivement? Est-ce que c'est un problème d'individualité ou est-ce que, Miguel, c'est un problème qui est plus large, un problème collectif? Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que, bon, individuellement, déjà, si on prend les défenseurs un par un, ils sont pas forcément en grande forme. Je parle là de la charnière centrale. Si on prend individuellement Ramos et Varane, aucun des deux n'est rassurant. Et alors que habituellement, c'est quand même assez solide, en tout cas, hormis la saison dernière où c'était aussi compliqué, les saisons avant, c'était quand même relativement solide ce binôme. Donc je pense que déjà individuellement, ils ont peut-être du mal à, à se remettre dedans, disons, à avoir de nouveau cet esprit compétitif. Et puis après, collectivement, le problème, c'est que l'équipe, elle souffre beaucoup défensivement, aux moindres transitions. Casemiro, il peut pas être partout, il fait déjà un travail qui est énormissime, et il doit le plus souvent couvrir les montées de Marcelo, donc il peut pas se démultiplier sur le terrain. Ce qui fait que si les joueurs individuellement ne sont pas concentrés, ça va pêcher, parce que ils peuvent pas se baser en fait sur une structure défensive collective. Le Real est souvent une équipe coupée en deux. Je finis juste et après je te laisse Sol. Le Real est très souvent coupé en deux et tient grâce à Casemiro, mais quand le Real n'arrive pas à défendre en bloc, ce qui est assez souvent le cas, ça complique la tâche à tout le monde, et du coup les centraux sont beaucoup plus exposés. Et si les centraux individuellement ne sont pas bons et qu'il n'y a pas un vrai leader de défense, tout de suite ça devient beaucoup plus compliqué. Et oui, Miguel, on les voit aussi beaucoup. Moi, j'ai beaucoup remarqué depuis le début de saison qu'ils renoncent très rapidement à garder le contrôle du ballon, qu'on voit presque un manque de confiance, un manque de sérénité certaine dans cette défense du Real, qui est quand même assez inquiétante, de pas vouloir cette volonté-là, de pas vouloir s'accrocher au ballon, de s'accrocher défensivement. On a l'impression que ce Real Madrid-là lâche vite prise depuis le début de saison, surtout derrière. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Ils n'arrivent pas à garder le ballon, à mettre du calme, à calmer le jeu, etc. Mais surtout, le point qui va être important pour le match de mercredi face au PSG, c'est que la charnière, elle sera pratiquement inédite. Varane, Militao, ils ont pratiquement pas joué ensemble. Ils ont joué, je crois, la dernière demi-heure face à Levante, et c'est le moment où Levante est revenu dans le match. Donc c'est peut-être difficile de tirer des enseignements. Mais heureusement, il n'y a pas le trio offensif, parce que sinon ça pourrait faire mal. Mais malgré tout, cette défense, elle va quand même être mise à l'épreuve. Et ça va être un bon test pour les deux centraux. Varane va devoir peut-être faire ce pas en avant qu'on attend de lui maintenant depuis plusieurs années. Hein. Ça fait pratiquement 10 ans qu'il est là. Il doit avoir à peu près 26 ans. Donc c'est pas à Militao, qui a, je crois, 21 ou 22 ans, de faire ce pas en avant. Maintenant, c'est à Varane de devenir aussi un peu ce leader défensif qu'on attend maintenant depuis trop longtemps. D'autant plus que Mendy jouera à gauche parce que Marcelo est absent, on l'a dit. Alors, indépendamment de son niveau défensif, Marcelo, c'est comme un joueur qui a des automatismes avec tous ses coéquipiers, parce que c'est lui qui joue tout le temps. Et ce n'est pas seulement une question de dire « bon, Marcelo a des lacunes, on met Mendy et tout va aller mieux d'un coup ». Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Et on sait que Militao, c'est un joueur qui a une capacité à défendre loin de son but. On verra si le Real Madrid choisit de maintenir la possession et de défendre loin de son but pour pouvoir mieux se protéger avec le ballon et éventuellement mieux récupérer à la perte. Mais ça va être intéressant, comme vous avez dit, parce que c'est tout nouveau, et Militao dans le 11, c'est autant d'incertitudes que de nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Parce que si vous avez un défenseur qui est à l'aise loin de son but comme Militao, alors là, ça fait beaucoup plus de sens de garder le ballon, de se protéger avec, etc. Et on verra aussi comment il va réagir défensivement, parce que là où Ramos est en difficulté, c'est tant dans sa surface que loin du but, parce que dans sa surface, c'est pas sa qualité première, ça n'a jamais été un joueur de surface vraiment. Et loin du but, il a toujours autant de travail à faire quand Marcelo joue, quand Toni Kroos joue devant lui. On verra si Militao arrive, on verra comment Militao arrive à traiter ce problème. Mais on va dire que l'avantage du Real Madrid, c'est qu'en face, il n'y a pas Neymar, il n'y a pas Mbappé, il n'y a pas Cavani. C'est deux équipes, Paris et le Real, qui sont en construction et qui ont beaucoup d'absents. Et ça pourrait clairement jouer en faveur du Real Madrid. Ou en tout cas, les défenseurs du Real Madrid pourront être un peu plus sereins à l'heure d'aborder le match, parce qu'il y a moins de menaces en face. Et on a parlé, vous avez parlé, Soleil et Miguel, de cette capacité que le Real avait à garder le ballon, mais cette capacité qu'il exploite assez peu cette saison. La deuxième mi-temps contre les 20, ça a été un très bon exemple. On avait une question aussi qui parlait de James dans le 11. Si James est dans le 11, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on peut imaginer un Real Madrid qui joue davantage en camp adverse, qui garde plus le ballon et qui s'expose moins défensivement? Moi, je pense que oui, parce que, en tout cas, ce qu'on a vu sur le match de Levante invite à l'optimisme, puisque le Real a donc joué dans un 4-3-3 avec donc Casemiro, Kroos et James Rodriguez au milieu de terrain. Et James jouait plus haut que Kroos et Casemiro, ce qui fait qu'il y avait un échelonnement des milieux, donc des lignes de passe supplémentaires. Et avec sa qualité, il joue davantage en camp adverse, qui garde plus le ballon et qui s'expose moins défensivement. Moi, je pense que oui, parce que, en tout cas, ce qu'on a vu sur le match de Levante invite à l'optimisme, puisque le Real a donc joué dans un 4-3-3 avec donc Casemiro, Kroos et James Rodriguez au milieu de terrain, et Rames jouait plus haut que Kroos et Casemiro, ce qui fait qu'il y avait un échelonnement des milieux, donc des lignes de passe supplémentaires. Et avec sa qualité en plus face à Levante, on a vu qu'il n'a pas lésiné sur les efforts défensifs, donc je pense que ça peut être un sacré atout pour le Real. Et donc on a vu le peu de temps où ils ont été les trois sur la pelouse, que Benzema, James et Hazard, ils ont très bien combiné. Donc je pense que ça peut être très très beau à voir. Ce qu'il y a bien avec James, c'est que déjà, sous Ancelotti, c'était l'un des hommes forts, notamment à cette capacité-là à créer et à générer des passes décisives. C'était un joueur qui pouvait tout changer, même en cours de match, et on voit que même s'il a beaucoup bougé par la suite, quand il est là où il est aujourd'hui au Real, cette capacité-là n'a pas changé, cette créativité, cette capacité à délivrer des passes décisives comme ça, c'est quelque chose qui sur la durée s'est inscrit et qui en fait encore un élément essentiel aujourd'hui. Plus, quand vous avez un joueur comme James qui est en capacité, quand il joue en camp adverse, à tout moment, comme vous avez dit, de décrocher une frappe, une passe, ou en tout cas de produire quelque chose d'offensif, ça vous permet d'avoir des actions collectives qui sont beaucoup plus abouties. Vous terminez vos actions, comme on dit, par une passe, une avant-dernière passe, une tentative au moins, et une frappe. Et ça devient tout de suite plus difficile à défendre pour l'adversaire, parce que ce n'est pas comme si vous perdiez le ballon dans la phase d'élaboration, ou c'est pas comme si vous perdiez le ballon avant qu'il ait pu atteindre votre ailier, ou c'est pas non plus comme si vous perdiez le ballon après un dribble raté d'un ailier. Là, tout ce que fait James, c'est en relation avec le but, et il va pas perdre le ballon au milieu de terrain, parce qu'on va le trouver plus haut, et il va regarder vers l'avant. Paris devra avoir un œil sur lui et sur son but, et on parle pas mal du concept de faire courir l'adversaire vers le but, de lui faire passer d'un champ de vision en face du but adverse à son propre but. Et si James, avec son activité, arrive à faire ça, ça va devenir tout de suite plus difficile pour Paris de défendre, mais aussi de ressortir. Et en ce sens-là, le Real Madrid aura des chances d'être plus serein défensivement. On l'a dit avant, le Real et le PSG, c'est deux équipes qui se cherchent. Il y a Icardi qui devrait débuter le match. On sait qu'un attaquant de surface comme ça peut poser des problèmes au Real Madrid, à Varane par exemple, ou à Ramos qui bon, ne sera pas là. Alors, comme on l'a dit avant avec Militao, c'est un peu une interrogation, on verra comment il réagira. Mais au-delà du phénomène Icardi, où est-ce que le Real peut souffrir durant ce match? Qu'est-ce qui peut poser des problèmes au Real? Moi, je pense que c'est Di Maria, parce que c'est un joueur qui est imprévisible. Je ne sais pas s'il va jouer à gauche, s'il va jouer ou à droite, mais quoi qu'il en soit, il est... C'est un joueur qui est imprévisible, qui peut d'une frappe, d'un centre. C'est un joueur aussi qui, un peu comme James, a une capacité à créer du danger assez facilement. Il a une patte gauche extraordinaire, il a une vision de jeu incroyable. Donc je pense que, au vu des absences, il y a pas mal du poids offensif du PSG qui va être sur ses épaules. Et il va aussi falloir bien surveiller, parce que même si il commence gentiment, je crois qu'il a dépassé la trentaine. Il a rien perdu de sa vitesse et de sa capacité de dribble, donc il faudra le surveiller avec beaucoup d'attention. Et je pense que, je sais pas où il va jouer, si à gauche ou à droite, mais il va falloir faire un sacré travail entre le central et le latéral pour toujours lui bloquer la voie. Il y a un autre joueur auquel je pense, un joueur qu'on connaît bien, c'est Pablo Sarabia, qui s'est très très bien intégré dans le collectif du PSG. C'est assez facile de le trouver, la ligne de passe vers sa position, elle est souvent dégagée. Et une fois qu'il reçoit le ballon, c'est un joueur un peu comme Di Maria à son meilleur niveau, à ses meilleures années, on va dire, qui peut produire, comme tu as dit, Miguel, beaucoup. Et en plus, Sarabia a cette capacité d'éliminer et à être autant sur l'extérieur que sur l'intérieur de son couloir. Et ça va être un autre beau défi pour le Real Madrid de gérer l'activité de Pablo Sarabia, qui en plus va jouer contre son ancien club en Ligue des Champions à domicile. Donc ça peut être très intéressant. Le Real Madrid a pas mal de défis, comme on l'a dit, avec cette défense un peu expérimentale. Et puis une dernière question à propos de ce match. On va la poser un peu de manière provocatrice, mais autant les deux équipes elles sont dans un moment difficile, autant le Real Madrid a une meilleure équipe au final. Et ça devrait quand même lui régler pas mal de problèmes, non? Bah, quand on voit quand même les absents du côté du Paris Saint-Germain Et quand on voit l'effectif à côté du Real, il est clair qu'il y a un déséquilibre certain qui va arriver d'ici mercredi et que le Real est largement, surtout devant, mieux armé que le Paris Saint-Germain qui va jouer quand même sans Mbappé, sans Cavani, sans Neymar. Ça fait beaucoup d'absents du côté parisien et beaucoup de chance pour du côté quand même du Real qui sera mieux armé. Pour faire un gros résultat déjà dès le premier match mercredi. On va passer au match suivant, c'est le match du Barça à Dortmund demain. Messi est convoqué et ça fait sourire tout le monde. Je crois que quasi tout le monde est content qu'il soit en tout cas sain. La grande nouvelle du côté du Barça, c'est le milieu. Busquets, De Jong, Arthur alignés ensemble pour la première fois au coup d'envoi contre Valence, c'était ce week-end. Comment est-ce qu'on peut décrire le Barça qu'on a vu jusque-là à Soledad? Alors, autant avant le match de ce week-end face à Valence, on pouvait avoir des doutes concernant ce Barça-là, qui était quand même un peu, faut le dire, en rodage et très mal embarqué, surtout défensivement, qui est d'ailleurs tout, ce qui est d'ailleurs toujours le cas. Et par rapport au milieu de terrain, on a vu un milieu de terrain pas rassurant sans Arthur, avec un De Jong positionné parfois trop collé à la ligne. Un manque de créativité encore certain, ce qui était déjà le cas la saison dernière, mais qu'il était encore en ce début de saison, mis à part face au Bétis, où là, collectivement, c'était toute une prestation aboutie au milieu de terrain. C'était toujours le même problème, un manque de créativité certain, un manque de contrôle. Et on a vu, avec l'arrivée d'Arthur, justement, que ça soit le match dernier face à Osasuna quand il est rentré en seconde période, ou là face à Valence, que le Barça a gagné en contrôle et surtout en homogénéité au milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on a vu un De Jong, du coup, plus libéré, moins collé à sa ligne, et surtout un Busquets avec les deux De Jong et Arthur qui avançaient, capable aussi, lui, de s'exprimer comme il le souhaitait. Et du coup, c'est une équipe qui est un peu mieux avec ce milieu-là, plus aérée et qui est capable de créer beaucoup plus, de créer davantage et de pas surtout se marcher les uns sur les autres comme on a pu le voir, notamment encore face à Osasuna, où on a vu deux périodes bien distinctes, une avec Arthur et une sans Arthur. Et c'est là où aussi il faut souligner le travail effectué par Valverde, qui a appris en quelques rencontres de ses erreurs, et notamment au milieu de terrain. Et si ça continue dans cette optique-là, pourrait donner déjà des résultats en Ligue des Champions. Et c'est ce que demandait déjà, et ce que demandait le Barça, même les supporters, que ce soit même sur le terrain, ont demandé cette créativité-là, cette liberté au milieu de terrain que le Barça n'avait plus, et qui aujourd'hui regagnait avec ce trio-là qui fonctionne excellemment bien. On l'a vu quand même face à Valence. Du coup. Et c'est quand même une révolution, c'est quand même une petite révolution quand on voit que Rakitic, l'homme de base d'Ernesto Valverde, se cantonne au banc depuis le début de saison. C'est quand même déjà un grand pas fait par Valverde et un grand pas de mieux pour l'équipe avec Arthur sur le front du milieu de terrain. Le Barça récupère certains fondements du jeu de position. Le Barça a très très bien joué ce week-end et en peu de temps a réussi à mettre des choses très très intéressantes en place. Je pense que la chose la plus marquante c'était de voir Arthur et De Jong si haut et si à l'aise sur le terrain entre les lignes. C'est quelque chose qui paraît assez impossible il y a encore quelques semaines de cela, tant les caractéristiques des joueurs elles sont différentes de ce qu'on a pu voir ce week-end. Et la grande question c'est est-ce que cette structure va se maintenir contre Dortmund? Quels sont les avantages et les inconvénients à reconduire le même milieu de terrain contre Dortmund? Parce que Valence ce week-end est arrivé au Camp Nou dans des circonstances assez terribles. Dortmund, lui, est très très en forme. Et c'est la Ligue des Champions à l'extérieur en plus. L'avantage, c'est que désormais, vu que ce milieu de terrain est plus haut et plus créatif, peut créer de l'imprévisibilité. Et combiné aussi à l'intelligence des trois qui parlent quand même enfin surtout Arthur et De Jong qui parlent le même football, combiné aux ailiers comme Carles Pérez, plus avec le retour de Messi, on peut voir une équipe beaucoup plus offensive, encore plus offensive et beaucoup plus libérée, donc un peu plus imprévisible. Après, dans le même ton, est-ce que Arthur va devoir peut-être le défaut aujourd'hui d'Arthur, c'est de peut-être moins contrôler défensivement quand il veut avancer. Est-ce que c'est pas ce côté-là, justement, du côté défensif, que ça va le plus pêcher? surtout face à une équipe à l'extérieur qui va se montrer intraitable, avec des joueurs comme Paco Alcácer ou encore Reus. Bip. À ce moment-là, Soledad voulait dire Royce, Marco Royce. C'est là où ce sera le vrai test, je pense, pour ce milieu de terrain-là et surtout pour Busquets, c'est de gérer Reus qui est en pleine forme. On l'a encore vu ce week-end. C'est défensivement pour moi que ça va le plus pêcher ce week-end. Enfin, ce mercredi, pardon. D'autant que défensivement, il y a aussi un certain Jadon Sancho qui va se faire un malin plaisir à aller titiller les latéraux du Barça. Et justement, ces latéraux du Barça, Elton Mokolo demande ce qu'on pense. Alors, je soupçonne Elton de connaître très très bien la réponse et de vouloir obtenir une confirmation de sa pensée. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à propos des latéraux du Barça, encore une fois cette saison, Soleil? Bah, c'est un peu le même problème qu'il y a déjà depuis Luis Enrique. C'est des latéraux qui ont une créativité proche du néant, qui n'apportent pas assez offensivement. C'est aussi des latéraux, hein, aussi Alba qui vieillit, faut le dire, qui ne propose pas assez justement offensivement. Le premier, donc Alba, ne sait pas varier son jeu. Il faut le dire, c'est vraiment son côté vieillissant, je pense, qui penche de plus en plus pour lui. Et le deuxième, malheureusement, c'est Medo qui ne sait pas attaquer assez l'espace et où ça va devenir très, notamment très compliqué normalement face à Dortmund. Et oui, c'est le côté sceptique du Barça à l'heure actuelle, c'est par rapport à ses latéraux qui combinent très peu sur les côtés et qui prennent quand même très peu d'initiatives. On a à Barcelone, on a des latéraux où la créativité est vraiment proche en ce moment du néant et qui défensivement, en plus de ça, laissent pas mal passer. Et on l'a vu, ça a donné quand même pas mal de buts encaissés depuis le début de saison. On est déjà à 7 buts encaissés quand même, hein, ce qui n'est pas rien. Est-ce que selon toi, on pourrait imaginer que Semedo laisse sa place à Sergio Roberto ce week-end? Alors, c'est sûr que Sergio Roberto ne fait pas des miracles offensivement non plus, mais il est moins à même d'avoir des sauts de concentration terribles en défense et il peut officier comme un quatrième milieu pour essayer de contrer éventuellement les contre-attaques de Dortmund. Il y a certains entraîneurs qui choisissent de positionner leur latéraux. Sergio Roberto, il peut très très bien se fondre dans ce rôle-là. Est-ce que ce serait compréhensible qu'il débute le match à la place de Semedo selon toi? Plus largement plus compréhensible à l'heure actuelle, vu ce que malheureusement Semedo a encore montré face à Valence, ça serait pas surprenant, notamment sur l'apport défensif, de le voir débuter face à Dortmund, même si c'est pas le choix non plus idéal. Dans le sens où, on le sait, ce n'est pas son poste de prédilection, ce n'est même pas son poste tout court, mais défensivement, il apporterait à l'heure actuelle, sur ce qu'il a montré, plus de garanties que Semedo. Malheureusement, il n'a pas assez performé et assez prouvé qu'il pouvait être un gage de sûreté, et face à un match, surtout à l'extérieur, où c'est à l'extérieur justement que le Barça peine le plus, pourquoi pas tenter justement de faire revenir Sergio Roberto en tant qu'latéral droit. En deux mots, Dortmund va agir comme le révélateur du niveau du Barça, parce que le Barça a eu autant de bons matchs comme de mauvais matchs en Liga cette saison. Hein. C'est un peu du 2 contre 2 pour l'instant. Et on peut dire que Dortmund, c'est vraiment pas la bonne équipe pour perdre des ballons en mauvaise position, parce qu'il y a des mécanismes très travaillés pour attaquer l'espace avec Sancho, mais aussi avec Hakimi qui est loin d'être un mauvais latéral dans ce genre de situation. Et Alba va vraiment tester ce week-end, ce mercredi face à Sancho. La défense de surface du Barça va être mise à rude épreuve aussi, parce qu'Hakimi, c'est un très bon joueur dans les derniers mètres. Il a une grande capacité à choisir les moments pour centrer. Et Sancho, lui, il a autant une capacité à jouer les 1 contre 1 qu'à centrer. Les centres en retrait, c'est vraiment l'arme de Dortmund ces temps en Bundesliga, et on imagine que ça va se traduire en Europe. Et le Barça a eu une excellente défense de surface la saison passée avec l'Anglais et Piqué. On verra si ce sera la même cette saison. Mais vraiment, c'est le premier gros test pour le Barça, on répète, hein, à l'extérieur, en Ligue des Champions, contre une équipe qui est en forme, contre une équipe qui individuellement a des joueurs qui peuvent poser des problèmes au Barça avec ballon, on l'a dit, mais sans ballon aussi. On verra comment la doublette de Young Arthur réagit face au double pivot adverse, qui est assez physique. Hein. D'ailleurs, on verra qui est aligné aux côtés de Witsel, mais il y a matière vraiment à poser des problèmes au Barça, et ça va être un match absolument passionnant. Un autre match passionnant, ce sera celui de l'Atlético Madrid. Il n'y a que des grosses affiches. Oui, dis-moi. Juste pour terminer, un point aussi qu'il faut souligner et dont Dortmund pourra largement s'appuyer, c'est que le Barça, depuis le début de saison, se fait prendre beaucoup de dos. Là où je parlais aussi de l'alliance Arthur de Jong, c'est qu'ils doivent aussi faire beaucoup plus le boulot à la perte, parce que c'est un des points sur lequel, à mon avis, va s'appuyer Dortmund sur les matchs qui peut-être ont été analysés déjà, c'est que le Real se fait prendre beaucoup de dos. Et ça, c'est assez effrayant quand même. Jimmy Avila leur a fait pas mal de, leur a créé pas mal de difficultés. On peut imaginer que Marco Reus, un joueur qui est excellent entre les lignes, saura faire la même chose. Donc oui, comme tu dis, il va falloir vraiment être très très bon à la perte parce que sinon ça ne pardonnera pas. Et Dortmund, c'est une équipe qui avait marqué énormément de buts à l'Atlético Madrid la saison passée. L'Atlético Madrid, justement, qui accueillera la Juventus. Alors Morata sera absent, mais pour le reste, les joueurs habituels seront là. L'Atlético offrait de très bonnes sensations depuis le début de saison. Ça avait été très bien au niveau des résultats, ça avait été bien au niveau du jeu lors de certaines phases du match. Et puis est arrivé un match ce week-end qui gâche un peu tout. Les sensations ne sont pas si bonnes que ça après le match de ce week-end, Miguel. Oui, bah c'est un peu ça fait tache, quoi, en fait. Quand on regarde le début de saison immaculé, alors pas forcément au niveau du jeu, où il y a eu quand même des hauts et des bas, il y a eu, il me semble, lors de la deuxième journée face à Leganés, un retour au bon vieux 4-4-2 strict de Simeone. Mais oui, mais en fait, je pense que ce qui est le plus surprenant, c'est, je vais pas dire la facilité, mais disons la manière dont la Real Sociedad s'est débarrassée de l'Atlético. On n'a pas vu cette solidité défensive à laquelle nous avait habitué l'Atlético. On n'a pas vu non plus ce contrôle des temps, des différents temps du match. On a vu qu'ils avaient eu pas mal de difficultés à contrer Ødegaard, qui a fait un peu ce qu'il a voulu avec le ballon. Donc, je ne sais pas si ça augure quelque chose de mauvais pour le match face à la Juventus, mais disons que c'est peut-être pas plus mal de louper une marche maintenant pour en gravir une plus haute après, quoi. Ça se trouve, c'est juste un petit rappel, un mal pour un bien, on peut dire. La question qu'on peut se poser à partir du match de ce week-end et un peu de ce qu'on a vu en début de saison, c'est à quel point Simeone va être progressiste. Parce que la saison passée, quand ils accueillent en huitième de finale la Juve à domicile, ils font un match excellent. Ils ont eu des moments où ils se sont protégés avec le ballon. Ils ont eu des moments où ils ont attaqué vraiment en camp adverse. Hein. Rodri également, enfin évidemment, aidait dans cette parcelle du jeu. Mais dès le match retour, l'Atlético Madrid n'a pas réussi à mettre ça en place. Ils ont passé 90 minutes à défendre à l'extérieur et ça leur a été absolument fatal. Est-ce que Simeone, vous l'imaginez aligné demain, enfin aligné durant ce match de Ligue des Champions, Lemar, João Félix, Diego Costa, Koke, ou est-ce qu'il va venir à quelque chose d'un peu plus conventionnel avec quatre milieux de rang, Saúl, Thomas, Koke? Comment est-ce que vous voyez l'approche de Simeone pour ce match-là? Bah, s'il tire des enseignements des matchs passés justement face à la Juventus, il va falloir plutôt qu'il la joue comme il a essayé de le faire depuis le début de saison, c'est-à-dire un peu plus offensif, établir un peu sur ce qui a fonctionné, même si pour moi ce qui a le plus péché de façon face à la Real Sociedad, c'est plutôt pas sur le collectif, mais sur le côté individuel. Là aussi, où tu en es bien, faire attention, tu dois encore trouver la meilleure place pour jouer au tennis, encore trop seul, parce qu'on a vu quand même un Diego Costa qui est pas meilleur, qui est pas encore en très bonne condition physique. L'état de forme pour moi, de certains joueurs, il est quand même en deçà. Et Lemar, il était aussi un peu, j'ai trouvé, mal placé. Il n'a pas beaucoup débordé et il a généré quasiment aucun danger. Et puis, il a pu trouver personne au-dessus de sa position. Pour que Simeone arrive, en fait, à mener à bien le projet qu'il avait depuis le début de saison, c'est-à-dire un projet plus offensif qui conviendrait mieux face à cette Juventus, parce que c'est ce qui a donné un match aller tout à fait surprenant la saison dernière. Il faut pas, surtout pas qu'il revienne à quelque chose de plus défensif, mais qu'il reste dans cette optique-là offensive, mais tout en replaçant bien ses pièces, et notamment tabler, je trouve, aussi sur un joueur comme Vitolo, qui s'est montré, j'ai trouvé, très volontaire, qui a lui beaucoup plus débordé et qui a apporté surtout plus de verticalité. En fait, il faut vraiment qu'il aligne toutes les pièces correctement et surtout bien offensivement pour que ça fonctionne face à la Juventus mercredi. Moi, je vais faire un peu l'avocat du diable. La Juventus, c'est une équipe qui va chercher à avoir le ballon depuis que Sarri est là plus qu'avant. Et c'est une équipe qui n'aura pas Pjanic ce week-end. C'est une équipe qui a beaucoup qui n'aura pas Pjanic cette semaine. C'est une équipe qui, ce week-end, a beaucoup souffert contre la Fiorentina parce que c'était difficile pour eux de mettre des choses en place avec le ballon. Ça aide pas quand vous avez Khedira et Matuidi dans les postes d'intérieur qui sont des joueurs pas des plus créatifs et pas des plus agiles techniquement. Si on oriente la relance vers les côtés, la Juventus a beaucoup de problèmes. Donc on voit vraiment une équipe qui peut souffrir avec ballon, qui avec ballon a des difficultés à poser son jeu. Est-ce que l'Atletico ne doit pas revenir aux fondamentaux quand même? Est-ce que malgré qu'il y a des choses fossilement intéressantes, il ne faudrait pas plus s'adapter à l'adversaire et appuyer là où ça fait mal? Je pense, parce que, en tout cas, c'est une des possibilités que Simeone a, parce que c'est vrai que la Juventus actuelle, ou en tout cas celle qu'on a pu voir ce week-end, ça aurait été la proie idéale de l'Atletico d'il y a peut-être 3 ou 4 ans. Donc est-ce que revenir à un 4-4-2 et profiter des faiblesses qu'a la Juventus, pourquoi pas, ça peut être un plan. Le principal au final, c'est peut-être, je sais pas si c'est de prendre les 3 points, mais disons que ça dépend si Simone veut mourir avec ses idées. On a vu que cette métamorphose, elle prenait plus de temps que prévu, qu'il tâtonnait, qu'il y avait quelques difficultés, que c'était pas toujours très cohérent, etc. Donc peut-être qu'il va varier, qu'il fera une partie en 4-4-2 strict comme il le faisait avant, et une partie où ce sera peut-être un peu plus offensif suivant le scénario du match. Et je pense que ce que tu as dit, c'est très intéressant, c'est le fait que Pjanic ne soit pas là, et donc pour la relance de la Juventus, ça pose un problème. Et l'Atlético ne sera peut-être sans Pjanic, ne sera peut-être pas obligé d'aller chercher la Juventus aussi haut, pourra peut-être attendre plus bas si Simeone décide d'avoir une équipe, on va dire, un peu plus conservatrice. Donc à voir, mais ça peut être une variante tactique qui pourrait être décisive. Ah, c'est intéressant, moi j'aurais pensé justement que ces Pjanic est absent, ils vont aller chercher beaucoup plus haut parce que la Juventus aura moins de mécanismes pour ressortir, et Bonucci, le poids de la relance quand il retombe sur lui s'étend, en tout cas s'étend. Prendre en compte, c'est pas le Bonucci des deux dernières années, enfin d'il y a 2 ans ou 3 ans, il y a beaucoup de problèmes pour sortir. Mais est-ce que cet argumentaire t'a convaincu, Solé? Oui, après tout, en fin de compte, ce que Simeone doit faire, c'est le meilleur mixte des deux. Un peu ce qu'il a essayé de ce début de saison, à être plus offensif, tout en revenant peut-être aussi à certains fondamentaux défensivement pour que les deux fonctionnent. Après tout, on a vu quand même un Atlético pas mal pas rajeuni, mais qui compte des nouvelles têtes et pas des moindres, comme João Félix par exemple, et aussi l'apport des latéraux certains aujourd'hui avec Lodi et Trippier. Alors pourquoi pas, oui, tester suivant le cours du match, un peu des deux, des fondamentaux, en plus d'un côté un peu plus imprévisible. Et en parlant de test, on avait une question de Zaïd Farghouch à propos de João Félix, parce que João Félix, on veut tous le voir jouer, parce que c'est un magnifique joueur, parce qu'il est arrivé à l'Atlético Madrid avec grand bruit, la pré-saison était excellente, ses premiers matchs ont été bons. La question c'est, où est-ce que João Félix est le meilleur? Est-ce qu'il est meilleur sur un côté, à gauche? Est-ce qu'il est meilleur dans une attaque à deux, aux côtés d'un Diego Costa ou d'un Morata? Qu'est-ce que vous en pensez? Attaque à deux, c'est comme ça qu'il était. Je suis d'accord. C'est comme ça qu'il était déjà, qu'il a été formé et habitué au Portugal. Donc c'est comme ça qu'il doit continuer. C'est comme ça qu'il est même le meilleur. Une attaque à deux sans hésiter. Pour combiner avec, en plus, c'est cet intérêt-là qu'il a de combiner avec son coéquipier qui est intéressant à exploiter. Le mettre tout seul sur un côté, ça n'a aucun intérêt, alors qu'il s'entend mieux avec une paire à côté de lui. Je suis d'accord, surtout qu'avec Diego Costa ou Morata, il a deux profils d'attaquants grands, solides, physiques qui vont attirer à eux les défenseurs, qui vont les fixer. Un João Félix en seconde pointe, un peu comme l'était Griezmann, mais légèrement différemment, qui tourne autour de Diego Costa ou Morata, etc., qui prend la profondeur, qui profite des déviations, ça peut être une arme redoutable. Et puis, pour être intéressant sur un côté, s'il a beaucoup d'espace, ça pourrait éventuellement être le cas en contre-attaque contre la Juventus, mais c'est plus intéressant dans ce match-là, en tout cas pour l'Atlético, de défendre avec un joueur qui a plus de qualité défensive sur ce côté gauche. Ça peut être Saúl, par exemple, ou même Lemar, défensivement, est meilleur que João Félix. Et en tout cas, pour ce match-là, ce n'est pas pertinent d'avoir João Félix sur un côté. Et dans la Ligue 1, en général, on le préfère dans une attaque à deux, mais j'imagine quand même qu'on pourra le voir sur un côté. La Ligue des Champions, en tout cas, ou à très court terme, ça demande d'avoir un João Félix aux côtés de Diego Costa. Pour conclure sur ce match Atlético-Juventus, CR7 contre l'Atlético, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est son rival préféré? Et est-ce qu'on ne peut pas dire que l'Atlético a quand même un petit problème émotionnel de ce côté-là? C'est pas anodin de jouer Cristiano Ronaldo quand on est l'Atlético Madrid ces dernières années. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on peut faire face à lui? Psychologique, tu voudrais dire? Côté psychologique, il a quand même marqué à des moments, il a quand même marqué à des moments clés l'année passée encore en jouant dans un autre club que le Real en plus. Et ben justement, est-ce que sans prendre le facteur Ronaldo en compte ou même en le prenant, est-ce que aussi c'est pas l'occasion pour Atlético justement de tabler sur ce côté plutôt revanchard, le fait de pas avoir joué quand même sa finale à la maison l'année dernière, la saison dernière, et là justement de vouloir un peu en finir avec peut-être sa bête noire. Est-ce qu'il y aurait peut-être maintenant pas quelque chose qui pourrait s'inverser à l'Atlético? Après, oui, il y a toujours cette appréhension-là qui peut se poser. Mais est-ce que cet Atlético-là, qui revient quand même avec de nouvelles ambitions, reviendrait pas justement avec une envie de poser problème à Ronaldo et à la Juve? Je pense qu'aussi, peut-être, ça va dépendre du rôle qu'a Ronaldo, parce que j'ai pas vu beaucoup de matchs de la Juventus depuis le début de saison, j'ai dû en voir un et demi, mais il me semble qu'il est quand même plus sur le côté gauche qu'avant. Disons, avec Allegri, il avait la liberté de se mettre dans la surface comme il faisait un peu avec le Real et d'être vraiment le buteur, celui à qui on va donner les ballons pour qu'il les pousse au fond. Là, j'ai l'impression quand même que Sarri, dans son 4-3-3 strict et dont il ne déroge pas, qu'il est quand même conditionné par ça et qu'il va quand même jouer un peu plus à gauche. Alors peut-être qu'après, il repique dans l'axe comme il a l'habitude. Je sais pas, comme j'ai dit, j'ai pas suffisamment vu la Juventus, mais peut-être que cette variante tactique, le fait que Sarri, il déroge pas à la règle de son 4-3-3, ça peut être peut-être une piste aussi pour l'annuler. Ouais, alors, ouais, Ronaldo avec Sarri est un peu plus à gauche qu'avec Allegri. Il n'est pas non plus fixé à gauche, hein, mais il est un petit peu plus à gauche qu'avec Allegri. Et il participe, il revient moins bas. En tout cas, quand il revient bas, ça casse, on va dire, les attaques de la Juventus. Là où avec Allegri, c'était un petit peu différent, là où ça pouvait éventuellement les bonifier. Donc ouais, Ronaldo est un peu plus à gauche, mais comme tu as dit, Miguel, il revient au centre dès que c'est intéressant pour l'équipe qui revient au centre. Et au final, la meilleure solution, ce sera sûrement de défendre face à la Juventus pour défendre contre Cristiano, enfin de bien défendre face à la Juventus pour bien défendre face à Cristiano Ronaldo, dans le sens où si vous arrivez à couper les ballons à destination de Ronaldo comme certaines équipes ont réussi à le faire en Serie A sur ses premières journées, vous pouvez vous économiser une grande partie des peurs que ce joueur pourrait provoquer chez vous, parce que c'est un défi pour l'instant pour la Juventus de toucher ces hommes les plus avancés. Et vraiment, encore une fois, la solution, ça va être de bien défendre face à la Juventus et de bien défendre face à ce milieu qui est handicapé par l'absence de Miralem Pjanic. La dernière équipe à jouer durant cette première journée de Ligue des Champions côté espagnol, ce sera Valence qui se déplacera à Londres pour y affronter Chelsea. Alors, on ne va pas s'étendre grandement sur Valence parce qu'on sait la situation. On peut vous recommander d'ailleurs le bon podcast que Valencia Sports a fait à propos de la situation actuelle, le départ de Marcelino, la claque reçue ce week-end au Camp Nou. Est-ce que, en quelques mots, il ne faudrait pas juste essayer de limiter la casse face à Chelsea, ou alors est-ce qu'on peut espérer rêver un hold-up? Comment est-ce que vous voyez ce match-là? Un hold-up, en soi, c'est toujours possible. Après, est-ce qu'ils sont dans l'état psychologique pour le faire? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'au final, quoi qu'ils fassent, ils seront perdants parce que s'ils ont aucune réaction par rapport à ce qui se passe au club, on va dire que soit qu'ils ont pas d'honneur, que ce sont pas des professionnels, qui doivent être au-dessus de ça, etc. Ils sont critiqués par là. Et puis s'il y a une réaction, c'est comme si au final Peter Lim avait gagné, puis que ça montre qu'il peut faire ce qu'il veut avec le club, ça va pas affecter les joueurs. Donc j'ai l'impression que c'est un peu une équation perdant-perdant et que quoi qu'il fasse, il n'y a pas vraiment de bonne solution. Et puis, le contexte n'aide pas non plus. C'est quand même deux gros... Après le licenciement de Marcelino, c'est deux gros matchs à l'extérieur qui arrivent. Donc déjà, gagner au Camp Nou, c'était pratiquement pas impossible, mais difficile. Et même si le seul à l'avoir fait, tout le monde fait, c'était Marcelino. On l'a vu lors de la première mi-temps face au Barça Souké, on a vu quand même des joueurs assez résignés. On a vu des joueurs qui peinaient à aller chercher son adversaire. Et oui, le côté, l'impact qu'a eu ce licenciement est grand. Et le score face au Barça ne viendra pas aider quand l'équipe va se déplacer au Stamford Bridge, où là, ça sera aussi compliqué d'aller chercher quand même Chelsea. Et où cette équipe va, si comme on l'a pu voir face au Barça, n'est pas au point psychologiquement et se retrouve quand même perdue, vraiment. Peut rapidement se casser les dents et dès mercredi, il y a tout. En fait, sur le terrain, Valence a les capacités de se relever, a cette capacité à faire un hold-up. Il y a Parejo encore. Il y a des joueurs qui restent. Il y a un noyau dur que Marcelino a mis en place avec sa tactique qui reste quoi qu'il arrive, même si Marcelino est parti. Donc cette équipe, elle n'est pas enterrée non plus, et surtout en Ligue des Champions, tout est possible. Et tant qu'il y aura ce joueur comme Garagaya, Parejo, tant qu'il y aura ces joueurs-là, tout est possible. Maintenant, ce qu'ils affrontent actuellement, ce qui se passe dans leur tête et ce qui se passe dans les vestiaires, ça a quand même un impact assez grand pour que cette équipe, malheureusement, ne se relève pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est brisé. Fallait voir les visages des. Je sais pas si tu as vu leur visage samedi, mais même au début du match, tu avais l'impression qu'ils n'étaient pas là, quoi. Tu avais l'impression vraiment qu'ils étaient vides. Et surtout face à ce Chelsea qui est de Lampard, c'est vraiment pas mal ce qu'ils proposent en attaque. Ils ont des ailiers qui sont très, très, très bons, très percutants. Ils ont cet attaquant, Tammy Abraham, qui est en pleine réussite, qui vient de marquer jouer un hat-trick ce week-end. Ça peut de nouveau finir en correction, quoi. Donc ça va vraiment être très très compliqué. Je dis pas que c'est impossible qu'il y ait un hold-up ou quoi, mais ça me paraît quand même très compliqué. Il y a trop de facteurs négatifs pour aspirer vraiment à quelque chose de bien. Moi, je vais mettre un peu d'espoir dans cette situation, dans le sens où, bon, comme vous avez dit, il n'y a pas de miracle qui devra arriver côté Valence, mais là où Valence peut éventuellement s'accrocher à quelques fibres d'espoir, c'est que Chelsea a une défense qui encaisse plus d'un but par match en moyenne, peut-être deux buts par match en moyenne, mais la défense de Chelsea encaisse des buts en tout cas, quasiment à chaque match, et elle n'encaisse pas un but à chaque match, elle encaisse un peu plus. Et il y a certains joueurs à Chelsea qui ne connaissent pas encore la Ligue des Champions, c'est le cas de Tammy Abraham, c'est le cas de Tomori aussi, qui n'est pas non plus, ne connaît pas la Ligue des Champions. Il y a certains joueurs comme ça qui vont jouer leur première campagne dans la plus grande des compétitions européennes. Valence a une expérience en Ligue des Champions la saison passée. Alors, c'est quelques éléments qui peuvent nous faire penser que Valence a des raisons d'espérer, mais encore une fois, tant qu'on ne sait pas comment est le vestiaire, tant qu'on ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont et quelles sont leurs dispositions psychologiques, c'est très très dur de voir un Valence qui a du succès parce que, encore une fois, les conditions, elles ne sont pas réunies pour cela. Et ce qui nous fait espérer, c'est plus des petites choses par-ci par-là plutôt que des raisons vraiment, vraiment solides. Pour conclure ce podcast, je ne sais pas si vous avez envie de rajouter quelque chose sur cette journée de Ligue des Champions qui arrive. Un petit prono, non? Chacun. Alors, moi, je participe pas au pronostic. Bah, alors, si vous voulez, lancez-vous. Ah, si personne ne se mouille, je ne me mouille pas. Je suis une vraie poule mouillée. Autant vous Non, dire. je vais me mouiller avec toi. Je vais me mouiller avec toi. Allez, bah, je te laisse commencer, du coup. Bon, on va faire dans l'ordre des équipes. Bah, le Real, je les vois gagner. Je vois le Real gagner. Je pense pas par un gros score, je vois plus un petit score, peut-être un 2-0, un 2-1, quelque chose dans ce genre-là. Pour le Barça, ouais, je vois quand même un match avec des buts, mais je pense ouais, un match nul, un 2-2. Je vois bien un 2-2 pour le Barça. L'Atlético Juve, je vois aussi un match nul, un 1-1. Et puis pour Valence, je vais dire 2-0 Chelsea. Allez, moi, PSG Real. Je dirais une petite victoire quand même du Real Madrid 1-0. Parce que je pense que le Paris Saint-Germain va essayer de leur poser pas mal de problèmes et va assez verrouiller à un moment donné, surtout à domicile. Le Barça, étant donné qu'à l'extérieur, c'est toujours là où ça a pêché, ça sera pareil, pas une. Je vois un match nul aussi, mais plus 1-1. Et Valencia, malheureusement, je vois un 2-0, mais pour Chelsea, si tu vois une défaite. Je ne participerai pas assez pragmatique, c'est une question de principe, mais je me réjouis beaucoup de vivre cette journée de Ligue des Champions. Et non, ce que je me réjouis de voir aussi, c'est toutes ces petites nouveautés qu'on est en train de voir du côté des équipes espagnoles, de voir à quel point elles vont passer le cap en Ligue des Champions. Est-ce que Militao sera au niveau? Est-ce que les milieux du Barça vont pouvoir jouer? L'Atlético Madrid va pouvoir exploiter le potentiel de João Félix en Ligue des Champions? On arrive à un moment de la saison où rien n'est défini, où les équipes sont en construction, mais où chaque certitude acquise, elle peut vraiment valoir beaucoup, beaucoup pour le reste de la Ceci dit, saison. Ça va vraiment être un très bon moment. je sais pas si de mémoire, on retrouve une première journée de Champions League aussi relevée pour les équipes espagnoles. Ça m'étonnerait, ça Je m'étonnerait. sais pas, hein, parce que en plus, il faut dire que le mois de septembre est ultra chargé. Par exemple, il y a le Real qui joue à Séville dimanche. Il y a toutes ces équipes ont des gros matchs en plus à venir en championnat, plus la Ligue des Champions. Il y a moyen qu'ils laissent des plumes, que ce soit dans une compétition ou l'autre, voire les deux. C'est vrai que quand on voit le calendrier du Barça, pour moi qui est quand même le plus chargé, parce que là ça enchaîne à Villarreal et Getafe pour avant l'Inter affronter Séville et après le match retour face à Dortmund, c'est l'Atlético qui doivent affronter. C'est vrai que ces équipes-là peuvent laisser pas mal, les équipes de Liga peuvent laisser pas mal de plumes avec des joueurs qui rejoignent Elias sur le fait que là on assiste quand même à de nouvelles choses sont en train de se mettre en place et de les voir au niveau européen se mettre en place, ça peut être encore plus intéressant et on sait que en plus cette compétition elle est magnifiquement imprévisible et ça peut donner de très bonnes surprises comme après tout de mauvaises. C'est la fin, c'est le fin mot de l'histoire et vous remercier de nous avoir suivis durant ce podcast spécial Ligue des Champions. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux, Furia Liga sur Twitter, vous commencez à connaître, et sur le site internet furialiga.fr. Et d'ici là, on peut vous souhaiter une bonne journée de Ligue des Champions.